我j'augmente le niveau chaque son, elle me parle comme si j'étais Jackson. On entend les packs, je vais pas dans les bars. J'en rigole, plus tes blagues. Bien sûr qu'on ampute les stars. Et moi je les insulte, je me place au côté sud. On est au-dessus, fais pas le fou. T'es écrasé dans la foi. De ta vie, je m'en bats les couilles. Fais bosser ta tête. J'suis derrière pas mal de trucs en zoom. Sans prétention, t'en perds ton sang-froid. Y'a de la fumée dans le studio, j'vois même plus mon stylo. Ma vie, c'est de la philo, philo. Ouais, philo, philo. De toute façon, c'est nul. Vaut mieux dire un bail. Ou alors fumer un boy. Pleurer dans le deuil. Deuil, deuil. Ouais. T'as tous les atouts. J'crois qu'on peut tirer un coup. En ce moment c'est tendu. J'crois que j'fais des jaloux. Donc j't'envoie mon zincou dans le pogo. J'suis dopé. À la concu j'fais du vaudou. J'ti sors un son qui sort du lot. Pas les génies j'suis béni. J'pull up le bunt à la vanille sur Paris. Wow, wow. T'as pas de noir gros. J'crois que tu regardes trop narcos. J'suis dans le rose croix. Fonce d'âge graille mon otascos. Tout dans le sac à dos. Gestuel dans un gros gamos. Dealer qui c'est les boss. Vitesse comme dans Mario Bros. Yo. Dealer qui c'est le boss, j'arrive en ADD Jogo, Dotaré ça j'crée un pogo. Ya yeah. Dealer qui c'est le boss, j'mets tout dans la camo. Ya yeah. Ya yeah. J'monte sur Ripa boy, me souris pas. Ok, ouais, j'arrive déchoqué. J'en la mets ta menaçant quand y'a de sa valeur de chien. Voilà c'est chaud, ne fais pas chier. On casse tout et t'as de la chance pour pas cher. Péniche t'as le profondeur, péniche comme sous-marin natif. J'ai rien à voir la moitié de personnes qui viennent nous voir dans la bière. J'ai le sourire sur le visage de ces gens. La comtesse de sa jeune.